Chapitre 6. Plan de campagne. Dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Racine, Britannicus, acte 2, scène 2. En s'éveillant le lendemain d'un sommeil de plomb lourd comme la cuvée d'une ivresse, le braque s'étira lentement avec des sensations de meurtrissure aux reins et de vide à l'estomac. Le souvenir de ce qui s'était passé lui revint à l'esprit, comme une bouffée de chaleur vous monte à la tête, et le fit rougir. Ses vêtements, jetés au pied du lit et ailleurs, n'importe où, n'importe comment, attestaient par leur désordre le trouble profond qui avait présidé au déshabillage de leur propriétaire. Le braque songea que la colère paternelle devait être un peu émoussée par une nuit de sommeil. Il jugea de l'heure au bruit de la maison et de la rue. Les bêtes rentraient de l'abreuvoir, sa mère portait le lécher aux vaches. Il était temps qu'il se levât et accomplît la besogne qui lui était dévolue chaque dimanche matin, savoir décrotter et astiquer les 5 paires de souliers de la famille, emplir de bois la caisse et d'eau les arrosoirs, s'il ne voulait pas encourir de nouveau les rigueurs de la correction familiale. Il sauta du lit et mit sa casquette, puis il porta les mains à son derrière qui était chaud et douloureux, et n'ayant pas de glace pour y mirer ce qu'il voulait, tourna autant qu'il put la tête sur les épaules et regarda. C'était rouge avec des raies violettes. Était-ce les coups de verge de Mig la Lune ou les marques de la trique du père? Tous les deux, sans doute. Une nouvelle rougeur de honte ou de rage lui empourpra le front. Salaud de Velleran, il lui paierait ça. Immédiatement, il enfila ses bas et se mit en quête de son vieux pantalon, celui qu'il devait porter chaque fois qu'il avait à accomplir une besogne au cours de laquelle il risquait de salir et de détériorer ses bons habits. C'était fichtre bien le cas, mais l'ironie de sa situation lui échappa et il descendit à la cuisine. Il commença par mettre à profit l'absence de sa mère pour chiper dans le dressoir un gros quignon de pain qu'il cacha dans sa poche et dont il arrachait de temps à autre, à pleines dents, une énorme bouchée qui lui distendait les mâchoires. Puis il se mit à manier les brosses avec ardeur et comme si rien de particulier ne s'était passé la veille. Son père, raccrochant son fouet au crochet de fer du pilier de pierre qui s'élevait au milieu de la cuisine, lui jeta en passant un coup d'œil rapide et sévère, mais ne desserra pas les dents. Sa mère, quand il eut fini sa tâche et après qu'il eut déjeuné d'un bol de soupe, veilla à son échenillage dominical. Il faut dire que le braque, de même que la plupart de ses camarades, la crique exceptée, n'avait avec l'eau que des relations plutôt lointaines. Extra-familiales, si l'on peut dire, et qu'il la craignait autant que Mitis, le chat de la maison. Il ne l'appréciait vraiment, en effet, que dans les rigoles de la rue où il aimait à patauger et comme force motrice faisant tourner de petits moulins à aubes de sa construction, avec un axe en sureau et des palettes en coudre. Aussi, en semaine, malgré les colères du père Simon, ne se lavait-il jamais, sauf les mains, qu'il fallait présenter à l'inspection de propreté, et encore, le plus souvent, se servait-il de sable en guise de savon. Le dimanche, il y passait en rechignant. Sa mère, armée d'un rude torchon de grosse toile bise préalablement mouillée et savonnée, lui râpait vigoureusement la face, le cou et les plis des oreilles, et quant au fond d'icelle, il était curé non moins énergiquement avec le coin du linge mouillé tortillé en forme de vrille. Ce jour-là, le braque s'abstint de brailler, et quand on l'eut nanti de ses vêtements du dimanche, on lui permit, lorsque sonna le second coup de la messe, de se rendre sur la place en lui faisant toutefois remarquer, avec une ironie totalement dépourvue d'élégance, qu'il n'avait qu'à recommencer comme la veille. Toute l'armée de Longeverne était déjà là, pérorant et jacassant, remâchant la défaite et attendant anxieusement le général. Il entra simplement dans le gros de la bande, légèrement ému toutefois de tous ces yeux brillants qui l'interrogeaient muettement. « Ben oui, » fit-il, « j'ai reçu la danse. Et puis quoi ? On n'en crève pas, puisque me voilà. N'empêche que nous leur y devons quelque chose et qu'ils le paieront. » Cette façon de parler, qui semblerait au premier abord, et pour quelqu'un de non-initié, dépourvu de logique, fut pourtant admise par tous et du premier coup, car le braque fut appuyé dans son opinion par d'unanimes approbations. « Ça ne peut pas aller comme ça » continua-t-il. « Non, faut absolument trouver quelque chose. Je veux plus me faire tonner à la cambuse. Parce que d'abord, on ne me laisserait plus sortir. Et puis, il faut leur faire payer la tournée d'hier. Faudra y penser pendant la messe, et on en recausera ce soir. » À ce moment passèrent les petites filles, qui, en bande, se rendaient, elles aussi, à l'office. En traversant la place, elles regardèrent curieusement le braque, pour voir la gueule qu'il faisait, car elles étaient au courant de la Grande Guerre et savaient déjà toutes, par leurs frères ou leurs cousins, que la veille, le général, malgré une résistance héroïque, avait subi le sort des vaincus et était rentré chez soi dépouillé et en piteux état. Sous les multiples feux de tous ses regards, Lebrac, bien qu'il fût loin d'être timide, rougit jusqu'au bout des oreilles. Son orgueil de mâle et de chef souffrait horriblement de sa défaite et de cette sorte de déchéance passagère. Et ce fut bien pis encore quand sa bonne amie, la sœur de Tintin, lui jeta au passage un regard de tendresse aux abois, un regard désolé, inquiet, humide et tendre, qui disait éloquemment toute la part qu'elle prenait à son malheur et tout l'amour qu'elle gardait envers et malgré tout pour l'élu de son cœur. Malgré ces marques non équivoques de sympathie, Lebrac n'y tint pas. Il voulut à tout prix se justifier complètement aux yeux de son ami. Et lâchant sa bande, il entraîna Tintin à part et entre quatre yeux lui demanda « Y as-tu au moins tout bien raconté à ta sœur ?»« Pour sûr !» affirma l'autre. « Elle pleurait de rage. Elle disait que si elle aurait tenu le mig la lune, elle y aurait crevé les yeux. Y as-tu dit que c'était pour délivrer Camus et que si vous aviez été plus leste, il ne m'aurait pas chopé comme ça ?»« Mais oui que j'y ai dit !» J'ai même dit que tout le temps qu'ils te saboulaient, t'avais pas pleuré une goutte et puis que pour finir, tu leur y avais montré ton cul. Ah, ce qu'elle m'écoutait, mon vieux. C'est pas pour dire, tu sais, mais elle te gobe, notre mari. Elle m'a même dit de t'embrasser. Mais entre nous, tu comprends. Entre hommes, ça se fait pas, ça a l'air bête. N'empêche que le cœur y est, mon vieux. Les femmes, quand ça aime. Elle m'a aussi dit qu'une autre fois, quand elle aurait le temps, elle tâcherait de venir par derrière pour des fois que si tu étais repris, tu comprends, elle te recoudrait tes boutons. J'y serais pas repris, nom de Dieu. Non, j'y serais pas, fit Lebrac, ému tout de même. Mais quand je rirai à la foire de Vercelles, dis-y que je lui rapporterai un pain d'épices. Pas un petit guiguillon de rien du tout, hein. Mais un gros, tu sais, un de 6 sous avec une double devise. Ce qu'elle va être contente, la Marie, mon vieux, quand j'y dirai, reprit Tintin, qui songeait avec émotion que sa sœur partageait toujours avec lui régulièrement ses desserts. Il ajouta même, se trahissant dans un élan de générosité. On tâchera de le bouffer tous les trois ensemble. « Mais c'est pas pour toi que je l'achèterai, ni pour moi, c'est pour elle. »« Oui, je sais bien, oui, mais tu comprends, des fois, une idée qu'elle aurait de faire comme ça. »« Tout de même, » convint Lebrac pensif. Et ils entrèrent avec les autres à l'église, les cloches sonnant à toute volée. Quand ils se furent casés, chacun à son poste respectif, c'est-à-dire aux places que les convenances, la vigueur personnelle, la solidité du poing leur avaient fait s'attribuer peu à peu après des débats plus ou moins longs, les meilleurs étant réputés les plus proches des bancs des petites filles, ils tirèrent de leur poche qui un chapelet, qui un livre de messe, voire une image pieuse pour avoir l'air plus convenable. Lebrac, comme les autres, extirpa du fond de sa poche de veste un vieux paroissien au cuir usé et aux lettres énormes, héritage d'une grand-tante à la vue faible, et l'ouvrit n'importe où, histoire d'avoir lui aussi une contenance à peu près exempte de reproches. Peu curieux des oraisons, il tourna son livre à l'envers, et tout en fixant sans les voir les immenses caractères d'une messe de mariage en latin, de laquelle il se fichait pas mal, il réfléchit à ce qu'il proposerait le soir à ses soldats, car il se doutait bien que ces sacrés assicola ne trouveraient comme d'habitude rien du tout du tout, et se reposeraient encore sur lui du soin de décider ce qu'il faudrait faire pour remédier aux dangers terribles dont ils étaient tous plus ou moins menacés. Tintin dut le pousser pour le faire agenouiller, le verrer et asseoir au moment désigné par le rituel, et il jugea de la terrible contention d'esprit de son chef à ce que celui-ci ne jeta pas une seule fois les yeux sur les gamines, qui, elles, de temps en temps, le reluquaient pour voir quelle gueule qu'on fait quand on a reçu une bonne volée. Des divers moyens qui s'offrirent à son esprit, Lebrac, partisan des solutions radicales, n'en retint qu'un, et le soir, après vêpres, quand le conseil général des guerriers de Longeverne fut réuni à la carrière à Peupiau, il le proposa carrément, froidement et sans tergiversation. Pour ne pas se faire esquinter ses habits, il n'y a qu'un moyen sûr, c'est de n'en pas avoir. Je propose donc qu'on se batte à poil. Tout nu ? Se récrièrent bon nombre de camarades, surpris, étonnés et même un peu effrayés de ce procédé violent qui choquait peut-être aussi leur sentiment de pudeur. Parfaitement, reprit Lebrac. Si vous aviez reçu la danse, vous n'hésiteriez pas à dire comme moi. Et par le menu, sans désir d'épater la galerie pour la convaincre seulement, Lebrac narra les souffrances physiques et morales de sa captivité au bord du bois et la rentrée cuisante à la maison. « Tout de même, objecta Boulot, s'il venait à passer du monde, si un mendiant venait à rouler par là et qu'il nous ratiboise nos frusques, si Bédouin nous retombait dessus ?»« D'abord, reprit Lebrac, les habits on les cachera, et puis au besoin on mettra quelqu'un pour les garder. S'il passe des gens et que ça les gêne, ils n'auront qu'à pas regarder, et pour ce qui est du père Bédouin, on l'emmerde. Vous avez bien vu comme j'ai fait hier au soir. Oui, mais... fit Boulot, qui décidément n'avait pas du tout l'air de tenir à se montrer dans le simple appareil. C'est bon, coupa Camus, clouant son adversaire par un argument péremptoire. Toi, on sait bien pourquoi tu n'oses pas te mettre tout nu. C'est parce que t'as peur qu'on voit la tache de vin que tu as au derrière et qu'on se foute de ta fiole. T'as tort, Boulot. Ben quoi, la belle affaire? Une tache au cul, c'est pas être estropié, ça. Il n'y a pas à en avoir honte. C'est ta mère qui a eu une envie quand elle était grosse. Elle a eu idée de boire du vin et elle s'est grattée le derrière à ce moment-là. C'est comme ça que ça arrive. Et ça, ça n'est pas une mauvaise envie. Les femmes grosses, il y en a qui ont toutes sortes d'idées, des bien plus dégoûtantes, mes vieux. Moi, j'ai entendu la bonne femme de Roquefontaine qui disait à la mère qu'il y en avait qui voulaient manger de la merde dans ces moments-là. De la merde? Ouais. Oh. Ouais, mes vieux, parfaitement. De la merde de soldats même, et toutes sortes d'autres saloperies que les chiens même ne voudraient pas renifler de loin. Elles sont donc folles à ce moment-là? S'exclama Tétard. Elles le sont pendant, avant et après, à ce qui paraît. Toujours est-il que c'est mon père qui dit comme ça, et pour quand t'as y croire, j'y crois. On peut rien faire sans qu'elles ne gueulent comme des poules qu'on plumerait tout vif, et pour des choses de rien, vous foutent des mornifles. Oui, c'est vrai, les femmes, c'est de la sale engeance. C'est-y entendu, oui ou non, qu'on se battra à poil? Répéta le braque. Il faut voter, exigea Boulot, qui décidément ne tenait pas à exhiber la tache de vin dont l'envie maternelle avait décoré son poster. Que t'es bête, mon vieux, fit Tintin, puisqu'on te dit qu'on s'en fout. Je dis pas à vous autres, mais les Vellerans, si ils la voyaient, ben ça m'embêterait, non? Voyons, intervint la Crique, essayant d'arranger les choses. Une supposition que Boulot garderait le Saint Frusquin et que nous autres on se battrait, hein? Non, non, opinèrent certains guerriers, qui, intrigués par les révélations de Camus et curieux de l'anatomie de leurs camarades, voulaient de visu se rendre compte de ce que c'est qu'une envie et tenaient absolument à ce que Boulot se déshabillât comme tout le monde. « Montre-le-leur, Ziva, Boulot, à ces idiots-là !» reprit la Crique. « Ils sont plus bêtes que mes pieds. On dirait qu'ils n'ont jamais rien vu. Pas même une vache qui vèle ou une cabe qu'on mène au bouc. » Boulot comprit, fut héroïque et se résigna. Il déboutonna ses bretelles, laissa tomber sa culotte, troussa sa chemise et montra à tous les guerriers de Longeverne, plus ou moins intéressés, l'envie qui ornait la face postérieure de son individu. Et sitôt qu'il eut fait, la motion de Lebrac, appuyée par Camus, Tintin, Lacrique et Grand Gibus, fut adoptée à l'unanimité, comme d'habitude. « C'est pas tout ça maintenant, » reprit Lebrac. « Il faut savoir où l'on se déshabillera et où ce qu'on cachera les habits. Si des fois Boulot voyait s'amener quelqu'un comme le père Simon ou le curé, vaudrait tout de même mieux qu'il ne nous voit pas à poil, sans quoi on pourrait bien tous prendre quelque chose en rentrant chez soi. « Je sais, moi, » déclara Camus. Et l'éclaireur volontaire conduisit la petite armée dans une sorte de vieille carrière entourée de taillis, abritée de tous les côtés, et d'où l'on pouvait facilement, par une espèce de sous-bois, arriver derrière le retranchement du gros buisson, c'est-à-dire au champ de bataille. Dès qu'arrivés, ils se récrièrent « Chicard ! Chouette ! Merde, c'est épatant !» C'était très bien, en effet. Et il fut conclu illico que le lendemain, après avoir dépêché en éclaireur Camus avec deux autres bons gaillards qui protégeraient le gros de l'armée, on viendrait s'installer là pour se mettre, si l'on peut dire, en tenue de campagne. En s'en retournant, Lebrac s'approcha de Camus et confidentiellement lui demanda « Comment que t'as pu faire pour dégoter un si chouette coin pour se déshabiller ?»« Ah ah !» répondit Camus, regardant d'un petit air égrillard son camarade et général. Et passant sa langue sur ses lèvres et clignant de l'œil devant l'interrogation muette du chef, « Mon vieux, ça c'est des affaires de femmes. Je te raconterai tout plus tard, quand nous ne serons rien que les deux. »